sont gothiques, qu'il est doux des saints cantiques de goûter, mes chères sœurs, les ineffables douceurs. Comme on sent à chaque phrase le cœur se remplir d'extase, quand l'orgue retentissant fait résonner le couvent. Le couvent, séjour charmant où l'on vit pieusement, séjour charmant où l'on vit pieusement.